J'en ai marre de vue en marge, j'ai un esprit large. Parfois je deviens barge, je suis en embarque dans la même barque, ça pue l'arnaque. Et moi je viens comme ça, on a un putain de mal à savoir où je débarque. Et je ne me laisserai pas abattre, je continuerai jusqu'au bout de la victoire. J'ai la haine malgré un vécu plutôt stable, mais dans mon cœur, perdu dans la brume, la rage et l'écume, et la haine, une enclume qui écrase mon âme pure. Perdu dans la brume, perdu dans la brume. Perdu dans la brume, rempli d'amertume, tout espoir semble perdu, sans envergure, torturé par des blessures qui nous reculent. On nous bat, on continue, même si on est déchu, déçu par des événements qui tuent, qui nous rendent corrompus. On avance malgré ces sombres brumes. Perdu dans la brume, perdu dans la brume. Perdu dans la brume, le cœur en larmes, car trop de drames dans nos vies. Le cœur blessé, marche tête baissée, pense au passé. Le cœur qui souffre car trop de blessures qui nous torturent. Dans la vie se passent des trucs de ouf comme perdre un proche. Quand tu vois que la mort se rapproche, pour ma part je trouve la vie plutôt moche. Le cœur embroché qu'entremet en mémoire tous les souvenirs atroces. Dans le rap je m'accroche, le visage triste, renfermé sur moi-même. Il est vrai parfois je fais le con et rigole, quand dessus se cache un soupir. Trop de haine dans les veines, trop de blessures dans le cœur qui saigne. C'est plus discerner le bien du mal parce qu'on a trop mal. Irrité par la colère et la douleur, j'attends juste la lumière qui illuminera le fond de mon cœur. Perdu dans la brume, perdu dans la brume. Perdu dans la brume, rempli d'amertume, espoir perdu, sans moyen, nous avons plus de but, mais reste quand même proche au bout de ce couloir. La mort qui nous cogne, on l'écartera et on se battra pour continuer la vie vers la meilleure des voies. Dans ma vie, y'a des hauts et des bas, c'est comme un ascenseur. J'en ai assez, mais j'essaie quand même d'échapper aux griffes de l'enfer. Trop de fardeaux, j'ai l'impression de m'être pris. Trop quatre coups de couteau, j'ai cessé de parler, décider d'agir. Au mic, rugir, cracher toute ma rage. J'ai la haine et ça se lit sur mon visage. Perdu dans la brume, perdu dans la brume, perdu dans. Perdu dans la brume.